bonsoir. Au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence du 10 août 1984, conférence intitulée « La descente d'énergie » avec Daniel Kemp. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Jacques. La descente d'énergie, c'est un sujet qui est très à la mode présentement. Oui, mais c'est un sujet qui a toujours été à la mode chez les initiés, qui a été, disons, la cause de plusieurs bouleversements chez les non-initiés. Parce que quand on parle de descente d'énergie, il faut immédiatement, si on veut, disons, faire le tour, un tour global de ce que c'est qu'une descente d'énergie, bien, il faut évidemment parler des descentes d'énergie négatives et des descentes d'énergie positives. Disons qu'un petit résumé de la descente d'énergie négative, pour ceux qui pourraient comprendre, là, d'initié à initié, ou du moins une personne qui a un peu de connaissance, une descente d'énergie négative, c'est simplement l'absence de descente d'énergie positive. Ce qui fait que si tu vis pendant un certain laps de temps une descente d'énergie positive, ou même si tu ne la vis pas, si une parcelle d'humanité autour de toi la vit, bien, quand cette énergie positive-là ne descend plus, bien, par rapport à l'état où tu étais lorsqu'il y avait énergie positive, il y a donc énergie négative. Alors, disons qu'une forme d'énergie négative, de descente d'énergie négative, ça va être la recrudescence, par exemple, des religions sataniques, comme on a aux États-Unis, comme on a un peu partout sur la Terre, mais surtout aux États-Unis. Pourquoi? Parce que l'Amérique du Nord, surtout, va bénéficier de descente d'énergie. Et elle en a bénéficié depuis 1900, disons, aller en montant. Surtout, avant, c'était l'Europe, et avant ça, c'était l'Égypte, avant ça, c'était l'Inde, avant ça, c'était l'Atlantide, avant ça, la Lémurie, avant ça, l'Hyperborée, avant ça, la Terre blanche, puis avant ça, bien, il n'y avait rien sur la Terre, ça comprend. Bon. Alors, ce qui fait que si on parle des descentes d'énergie négatives pour commencer, après, on parlera des descentes d'énergie positives. Pourquoi? Parce que si on connaît ce qu'est une descente d'énergie positive, on peut régler un problème qui a été consécutif à une captation d'énergie négative. Les sortes d'énergie, premièrement, qui vont toucher l'homme dans l'énergie négative, c'est-à-dire que la descente d'énergie négative étant une absence d'énergie positive, est donc seulement et exclusivement de type astral. Donc, une énergie négative n'est que de type astral. Et une énergie positive peut être de type astral, de type mental, de type vital aussi, de type physique, et de type supramental. Donc, du mental supérieur ou de l'intelligence active, ou de l'Esprit Saint. Bon. Alors, ce qui fait que l'énergie négative qui est et qui ne peut être que de forme astrale, c'est simplement la façon dont la psychologie de l'homme va pouvoir vivre ou survivre ou traverser une pénurie d'énergie positive. Alors, si tu rencontres, par exemple, un individu qui te fait vibrer, qui t'augmente ton schéma vibratoire, tu te sens bien. Mais quand l'individu n'est plus là, mathématiquement, tu redeviens à ce que tu étais avant. Ça crée une sorte de dépression. Pourquoi une dépression? Parce que tu reviens au même niveau d'énergie que tu étais avant de rencontrer l'individu. Sauf que vu que tu reviens à ce niveau-là rapidement, toi, tu as l'impression d'être justement en dépression. Donc, tu as l'impression de vivre une chose négativement. Et comme ta psychologie, la psychologie astrale humaine, qui vient de des mémoires, de l'éducation, de toute ton hérédité génétique, de l'apprentissage sociétaire, automatiquement, toi, par rapport à ce que tu avais et à ce que tu n'as plus, tu calcules que tu as moins qu'avant. Si tu perds $1 et que tu n'avais $1 en poche, c'est pas grand-chose. Si tu perds $1 million puis que tu avais $1 million en poche, tu te suicides. Pourtant, tu as perdu dans les deux cas toute ta possession. Mais par rapport à l'énergie potentielle que tu avais $1 million et à ce que tu n'as plus, tu es au même niveau que l'autre qui avait juste $1. Mais lui, il peut pas le prendre. Il peut pas le vivre. Pourquoi? Parce que lui reçoit donc, c'est là l'importance, il ne reçoit rien, mais il reçoit $1 million d'énergie négative. Et celui qui avait juste $1 reçoit $1 d'énergie négative. Ouais, ça va être plus pratique. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, ben, la personne qui reçoit $1 d'énergie négative vit bien. Elle s'en fout. Et la personne qui reçoit $1 million d'énergie négative ne peut pas vivre bien, à moins qu'elle soit fou. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, qu'est-ce qui a changé dans la réalité? Dans la réalité potentielle, il y a $1 million de perdu ou $1 de perdu. Mais les deux individus avaient et n'ont plus. L'un va continuer à vivre, va vouloir retrouver $1, rebâtir son schéma de vie. Parce qu'il y a du monde aujourd'hui qui ont un pouvoir d'achat, disons, de $100 000 par année. Puis si tu veux leur abaisser leur pouvoir d'achat à $80 000 par année, c'est la grève, ils peuvent pas le prendre. Ils peuvent pas vivre avec $80 000. Qui peut vivre aujourd'hui avec $80 000? Hein, et toi encore, la société. Bon. Alors, ce qui fait, mais ces individus-là ne peuvent pas. Alors, ce qui fait que si tu prends, par exemple, juste au niveau de notre société, ça peut pas être réglé comme ça, mais disons que si ça pourrait se faire, c'est impossible parce qu'il y a le facteur humain. Les humains ne veulent pas. Ceux qui n'ont rien veulent avoir plus, mais ceux qui ont plus ne veulent pas avoir moins. Ce qui fait que c'est impossible. Un individu qui gagne 500 000 par année peut vivre avec 45 000 par année ou avec 50 000 par année. Et l'individu qui gagne, lui, mettons, 15 000 par année en travaillant, ben lui pourrait donc se voir ajouter 15 000 $ sur l'autre à celui qui gagne 500 000. Mais celui qui a 500 000 pourra pas vivre avec 100 000 de moins. Un individu qui gagne 1 million puis qui le perd par après peut plus vivre. Parce qu'il y a un standard de vie, il y a une habitude de vie. Mais cette habitude-là dépend simplement de l'énergie positive qu'il a. Et quand il la perd, il a donc une énergie négative. Alors, ce qui fait qu'une descente d'énergie négative, elle peut, disons, se solder, s'exprimer dans l'homme par des violences. Parce que l'homme qui n'a pu peut vouloir voler. Parce que l'homme qui n'a pu a en mémoire le fait qu'il a eu. Et l'homme qui n'a pas a en mémoire le fait qu'il peut avoir. Et ces mémoires-là sont astrales, c'est-à-dire que c'est la psychologie intrinsèque à l'homme. Et ça peut le pousser à vouloir faire, à vouloir posséder ce qu'il n'a pas. Et quand on parle de posséder, je parle pas juste de posséder des biens matériels. On parle aussi de posséder la santé, physique ou psychologique. Hein? On parle de posséder du courage, de la ténacité. Et par rapport à ce vouloir-là qu'on n'a pas ou qu'on croit ne pas avoir, parce qu'on l'a, mais on l'exploite pas, parce qu'on croit ne pas l'avoir, ben automatiquement, notre psychologie astrale, donc cette descente d'énergie négative, peut nous pousser à faire un vol, à faire un meurtre, à prier pour souhaiter du mal à autrui, pour pouvoir, si toi, t'es un embaumeur, ben si t'as pas de travail, tu peux aller allumer des cierges pour demander à Dieu qu'il y ait plus de morts pour que tu puisses avoir du travail. Bon. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, on payait les ambulanciers à l'appel, comme ça. On les portait quasiment à prier pour qu'il y ait des accidents pour qu'ils puissent gagner leur vie. Alors, ce qui fait que, si tu, justement, ou encore, tu peux faire pire que ça, tu es malade. Tous les médecins viennent te voir, peuvent pas te guérir. Il n'y a rien à faire. Et par rapport à ce que tu constates, la santé, toi, tu es donc, en termes, tu es dans un contact avec de l'énergie négative. Parce que tu peux te déprimer de voir que toi, tu n'as pas ce que la majorité ont. Tu peux te déprimer de voir que toi, tu as peur d'autrui. Tu peux te déprimer, et ça, quand tu as peur d'autrui, ben plus tu as peur, ben plus tu as peur, parce que tu te déprimes. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, tu peux aller chercher une phase d'énergie négative qui va être la prière, justement, pour souhaiter que tout le monde soit comme toi. Ou encore, tu peux même aller jusqu'à ce qu'on appelle vendre ton âme au diable. C'est une descente d'énergie négative. Il y a plusieurs individus, disons, qu'on commence à écrire les choses ésotériques, qui ont vendu leur âme au diable. Disons que ça, c'est une forme d'énergie négative qui est rendue à son summum, mais qui est facilement transmutable en énergie positive si la personne qui, disons, a fait un acte comme ça, réussit à découvrir qui est le diable. C'est qui, Satan? Qui est... Dans quel monde vit Satan ou dans quel monde vit le diable? Parce que si tu découvres où est ce monde-là, tu peux peut-être arriver à pouvoir le contrôler, ce monde-là. On pense qu'on ne peut pas contrôler le monde de Satan. Mais Satan, il peut s'attendre à bien des choses, parce qu'effectivement, ça se contrôle facilement. Pourquoi? Parce que le monde de Satan, c'est qui le diable? Le diable, disons que c'est une expression égoïque, disons une expression astrale, concentrée d'une forme d'énergie négative. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'énergie négative? Ben c'est une énergie qui empêche l'homme d'avancer. Parce que si... Toi, boire de l'eau, ça te permet d'évoluer. C'est une énergie positive. C'est une énergie yavique. Mais quand il vient un temps où cette eau-là, tu as l'estomac plein, tu es plein d'eau, tu commences même à être obèse par rapport à l'eau, bien, cette eau-là ne te permet plus d'évoluer, elle te ralentit maintenant. Et donc, elle est devenue une énergie satanique. Elle te nuit. Et tout ce qui nuit peut être transmuté en énergie positive, de même que tout ce qui est positif pour l'homme ou la femme, peut un jour et même un jour va automatiquement devenir satanique. Comment est-ce qu'on transmute ça, Daniel? D'un côté, un extrême, à l'autre extrême. Pour transmuter, disons qu'on va prendre un exemple qui est peut-être moins évident, celui de vendre son âme au diable. Comment transmuter cette énergie-là? Vois-tu, tu arrives en énergie positive. Tu arrives à un moment donné à une forme de dépression ou de peur ou de crainte qui va être causée par la maladie, qui va être causée par le manque de santé ou de richesse psychologique ou comme par le manque de richesse matérielle. Il y a des individus qui ont vendu leurs âmes au diable pour permettre à leur enfant de guérir d'une maladie qui, à l'époque, était incurable. Et effectivement, l'enfant a été guéri. L'individu vendait son âme au diable. Mais disons que pour qu'un réel pacte avec cette énergie négative-là qu'on appelle le diable, mais qui n'est pas une entité avec des cornes puis une fourche, puis etc., comme on s'attend. Non, ça n'a pas, une fourche, c'est un gros pic, ça, là, à la place. Alors, c'est pas comme on pense. Non, l'entité même du diable, ça n'existe pas. C'est pas une entité. Autant qu'on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas voir le diable. Par contre, on peut voir les effets de l'énergie négative chez l'homme. Et ces effets-là ne sont visibles seulement et seulement si, hein, si l'individu, dans sa mémoire psychologique, donc dans sa psychologie, est en vibration avec une énergie planétaire d'ordre satanique. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es déprimé, automatiquement, tes vibrations au niveau de ta psychologie, donc de ton astral, vibrent à un rythme qui est en accord avec la mémoire de tous les déprimés planétaires. Ce qui fait que toi, tu es donc plus sujet, si tu es déprimé, à être déprimé par n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu deviens manipulé, donc tu deviens assujetti à la forme d'énergie déprimante planétaire. Ce qui fait que si tu es déprimé, puis tu t'en vas dans un club de déprimés anonymes, ben tu vas continuer à te déprimer. Il faut que tu aies dans une place que du monde qui ne sont pas déprimés pour que leurs énergies qui vibrent plus rapidement que la tienne, qui est lancinante et pénible, bien, automatiquement, la tienne peut finir par être accélérée par la masse. Ça, c'est une façon facile. Pour quelque chose, t'es pas compliqué. Oui, d'aller à un endroit où les vibrations sont hautes. Mais lorsque tu es chez vous seul, par exemple, bon. Est-ce que la lecture de volume a trait... Pas pour un déprimé, si tu es un déprimé réellement avancé, non, parce que tout ce que tu vas vouloir lire est plate. On a déjà fait une conférence justement sur la psychologie de la défaite dans l'homme. On a fait différentes conférences justement sur ces formes de choses-là. Là, je pense qu'on explique assez bien, alors on y reviendra pas trop. C'est accessible en cassette de toute façon. Mais ce qui arrive surtout, c'est que, disons, prenons toujours l'exemple de « tu vends ton âme au diable ». Normalement, un pacte qui est bien fait, disons que si tu veux travailler sérieusement avec le diable, c'est pas recommandé parce qu'à un moment donné, disons que ça t'amène un karma négatif, ça a un retour qui est un petit peu dangereux. Disons que, normalement, ton pacte va durer un certain nombre d'années, disons 10 ans ou 15 ans ou 20 ans ou 50 ans. Et après la fin du pacte, tu as le cadeau que tu as demandé. Et disons qu'après 10 ans, tu as vendu ton âme au diable, il vient la chercher dans 10 ans. Mais 10 ans après, normalement, ces individus-là meurent, effectivement. Et leur âme s'en va au diable, c'est vrai. Alors, quelqu'un, on pourrait dire, justement, ce qui est terrible quand tu vas ton âme au diable, c'est quand tu vas voir quelqu'un puis qu'il dit d'aller chez le diable. Hein, c'est... Bon, mais enfin. Ce qui arrive, vois-tu, c'est que vendre son âme au diable, c'est quoi? Premièrement, il faut savoir c'est quoi l'âme. Si on sait qu'en ésotérisme, et c'est un fait, qu'un jour l'homme devra arriver à détruire son âme, à faire exploser son âme, pour arriver à connaître, disons, Dieu pour l'instant. Appelons-le comme ça, c'est une forme d'énergie. Dieu, disons, pourquoi j'aime pas trop le terme, c'est parce que souvent, on a le concept d'un personnage. Mais Dieu est illimité, il n'est pas un personnage. Alors, ce qui fait que, disons, appelons ça Dieu, cette énergie-là. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que toi, un jour, tu vas devoir... L'âme, qu'est-ce qu'elle fait? On va expliquer ça brièvement. Et les descentes d'énergie sont directement liées à ces formes-là. Parce que l'âme doit aussi la capter, la descente d'énergie, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Parce qu'une descente d'énergie positive qui va aller en lutte contre l'âme devient négative par rapport à l'âme. Donc, l'homme vit un phénomène négatif. Même si c'est une descente d'énergie divine, d'énergie supramentale, automatiquement, l'homme qui a un ego, qui a une âme, qui va lutter contre ces énergies-là, vont subir des douleurs physiques, des maladies coronariennes, des maladies cardiaques. Ils vont subir des douleurs au niveau de la tête, au niveau de tout leur corps, ce qui fait que ça devient négatif, même si, disons qu'extérieurement, là, on se balance de l'individu qui vit ça, c'est un phénomène très positif qui va aider l'individu à passer des stages. Mais lui, il vit négativement. Mais, Daniel, on dirait que dans les hiérarchies cosmiques, c'est une façon qu'ils travaillent, ça. Oui. Ils s'organisent de façon à ce que tes vibrations augmentent, puis là, à un moment donné, ils redescendent. C'est-à-dire puis que tu veux réatteindre le point que tu as atteint. C'est l'astral qui va atteindre ça. En remontant, tu dépasses le point, puis tu redescends. Tu dépasses, tu remontes, tu redescends. Bon, pourquoi tu avances comme ça? C'est simplement que tu as une descente d'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, elle est continuellement sur la Terre. Présentement, on s'en va vers une descente d'énergie. Je fais une petite parenthèse juste pour expliquer ça. Alors, imaginez que ça, c'est la planète Terre. Bon, il faudrait pas mal d'imagination, mais enfin. Alors, disons que c'est la planète Terre, hein, c'est aux trois corps d'eau. Ça, c'est l'océan. Bon. La planète Terre se promène dans l'espace. Elle a une rotation que je ne vous démontrerai pas ici. Elle a une translation autour du Soleil, donc elle tourne autour d'un Soleil central. Et ce soleil-là, qui est plus gros que la planète, mais qui n'a pas autant d'eau que ça, ce soleil-là, lui, tourne dans la galaxie. Notre galaxie, c'est la Voie lactée. Et la galaxie même, elle a un centre. Et notre soleil est dans en périphérie du centre. Alors, il tourne et a tendance à lentement rejoindre le centre. Ça, astronomiquement parlant, là, téléphonez à la NASA, puis ils vont vous dire ça. Ils vont vous expliquer si c'est vrai. Au planétarium d'or, ça coûte moins cher. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que, de temps en temps, ce soleil central-là, puis là, c'est extrêmement, disons, vaste à comprendre ça, c'est... Croyez pas ça pantoute, là, c'est juste, disons que c'est une théorie. Ce n'est pas pour moi, mais bon, on peut pas vérifier tout le monde. C'est une façon de l'illustrer. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est que ce soleil central-là émet des formes d'énergie, comme notre soleil de notre système solaire. On a des énergies qui ont différentes couleurs. Par un prisme, on peut les diffuser. On a d'autres formes d'énergie que le prisme ne peut pas diffuser. On a l'ultraviolet, on a l'infrarouge, puis on a un paquet d'autres ondes qui viennent par après et avant. Alors, ce qui arrive, c'est que notre soleil central, le centre de notre galaxie, c'est un soleil, disons que c'est des milliards de soleils qui sont fusionnés ensemble, émet des formes d'énergie à certains endroits. C'est-à-dire qu'il y a certaines parties du soleil, exactement comme notre soleil à nous, quand il y a des points noirs dessus, ce point noir-là n'émet pas la même énergie que le soleil qui est radiant. Alors, ce qui fait que le soleil central émet des formes d'énergie dans la galaxie, des faisceaux d'énergie. Et quand notre soleil et notre planète Terre qui circulent dans cette galaxie-là traversent l'un de ces faisceaux-là, automatiquement, il y a ce qu'en ésotérisme, on appelle une descente d'énergie sur la planète Terre et dans tout le système planétaire solaire. Alors, ce qui fait qu'en réalité, c'est pas quelque chose qui est émis pour l'homme, c'est émis continuellement et la phase évolutionnaire de la Terre, de toutes les races mères qui ont passé là, présentement, on est rendu à la cinquième race mère, la race blanche, qui a été amenée par la race aryenne en Inde. Alors, ce qui arrive, c'est que présentement, notre Terre arrive dans ce faisceau d'énergie-là qui l'a traversé souvent dans l'Antiquité. Mais les cerveaux de la masse, l'homme, de par son évolution génétique, n'étaient pas prêts à réellement capter cette énergie-là. Or, le Nazaréen, Jésus de Nazareth, Josué ben Joseph, appelait ça l'Esprit-Saint. On dessinait ça sous la forme d'une boule de feu ou d'une colombe qui descendait chez un individu. Mais un individu qui avait été initié, un individu qui était prêt, pas à recevoir, l'énergie, on la reçoit tout le temps. Mais si, par exemple, vous respirez de l'oxygène. Mais si dans votre oxygène ou dans vos poumons, vous avez énormément de nicotine ou de monoxyde de carbone, d'exhaust d'auto, ben l'oxygène est dans l'air quand même, mais le corps ne peut pas l'absorber. Alors, ce qui arrive, c'est que par l'évolution génétique, par l'évolution éducationnelle, on arrive à avoir des mentales, donc un cerveau, des êtres humains qui sont capables de réfléchir, qui sont capables de discerner leur psychologie de leur intellect, donc leur astral de leur mental en termes ésotériques, donc qui viennent à être capables de réagir à ces passages d'énergie-là. Alors, présentement, la Terre se rapproche d'un autre faisceau d'énergie. Vers la fin de l'année 84, on va traverser un faisceau d'énergie. Il va y en avoir un immense en 86, disons que c'est le plus bouleversant de tous les faisceaux qu'on va avoir traversé. Il y en a eu un en 69, il y en a eu d'autres échelonnés à travers ça. Il y en a eu un en 64 aussi. Alors, ce qui arrive, c'est que ces faisceaux-là qui sont émis dans la galaxie, ben de temps en temps, il y a un système solaire, il y a une planète, bon, qui traverse. Et l'être qui est sur la planète Terre, le plus évolué de par ses concepts, donc de par ses idées illusoires de ce qu'est la vie, un concept, de par son schéma mental, de par son conditionnement physique, donc de par l'emplacement géologique, le Québec est situé sur l'ancienne Terre blanche, donc c'est presque près de l'hyperborée de la Terre blanche. Et quand je parle du Québec, disons la moitié de l'Ontario et trois quarts de notre province de Québec. Et les individus qui vivent là ont la possibilité de recevoir une dose massive d'énergie supramentale, donc d'Esprit Saint, vers la fin 84. Pourquoi? Parce que géologiquement, le sol, disons, du Québec, attire, de par sa constitution géologique, va focaliser les faisceaux d'énergie qui vont diriger vers la planète Terre. Donc, il va y avoir une densification au niveau du Québec par rapport au reste de notre planète. Alors, ce qui fait que ces énergies-là, elles descendent et l'homme qui a la possibilité de les capter va les capter. Mais ce qui peut arriver, c'est que ces énergies-là descendent. Toi, tu ne les captes pas, mais l'humanité au complet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'individus qui les captent. Toi, tu les captes quand même, mais tu peux ne pas en avoir conscience. Et quand cette énergie-là s'en va, alors tu peux... Justement, donc, avoir l'impression d'avoir une descente d'énergie négative. Même si tu n'as jamais su, et c'est là l'importance, même si tu n'as jamais senti Toi, tu vas dire, j'ai jamais eu d'énergie positive. Ton astral, ta psychologie ne le sait pas. Ton mental ne le sait pas. Mais c'est pas de cette quoi en toi. Quand tu manges une carotte, tu absorbes énormément de minéraux. Est-ce que tu le sais ce que tu absorbes? Tu le sais pas. Mais ça n'empêche pas que c'est absorbé quand même. Et si tu absorbes un poison à travers ça, ben si tu absorbes, par exemple, un tout petit peu d'arsenic, ça peut prendre quelques années avant que tes ongles commencent à avoir des stries verts, symptômes d'une intoxication à l'arsenic. Tu ne l'auras jamais su, jusqu'au jour où tu te réveilles mort, peut-être. Mais sans ça, tu ne l'auras jamais su. Pourquoi? Parce que, justement, c'est trop minuscule. Alors, l'énergie positive qui descend à un moment donné dans l'individu, si elle est minuscule, l'individu ne le sait pas. Mais l'individu peut quand même vivre une phase de descente d'énergie négative et il peut la vivre, et c'est rare, jusqu'à faire un pacte avec le diable pour vendre son âme au diable. Vendre son âme au diable, c'est simplement que tout ce que tu as en termes d'évolution, ton être-té, selon la conception qu'on a de l'âme, tu la donnes à Satan, au diable, à la condition que pendant un certain laps de temps, il te guérisse ou il te donne certaines choses. Mais ton âme, tu ne peux pas la vendre au diable. Pourquoi? Parce que ton âme ne t'appartient pas. C'est-à-dire, qui veut vendre l'âme au diable, c'est celui qui désire quelque chose. Et celui qui désire quelque chose, c'est la psychologie de l'homme. Et la psychologie de l'homme, c'est l'âme. Et si tu as vendu ton âme au diable, c'est donc que tu n'as plus aucun désir, tu n'as plus aucune peur, tu n'as plus aucune crainte, tu n'as plus aucune maladie psychologique ni psychiatrique. Pourquoi? Parce que tu n'as plus d'âme. Et toutes ces maladies-là, ces craintes-là, ces peurs-là, ces angoisses-là, tout ça, c'est intimement lié à l'âme. Donc, si tu as vendu quelque chose, tu ne l'as plus. Et si tu l'as encore, tu ne l'as pas vendu. Et cette âme-là, elle ne peut appartenir à une entité égrégorienne qu'on appelle Satan. Qu'est-ce qu'une entité égrégorienne? Qu'est-ce que Satan ou qu'est-ce que le diable? On va clarifier ça un peu. Je pense que c'est un sujet qui est assez, intéressant et même important. Vous pensez en mal, et quand vous pensez en mal, il y a une forme de pensée négative qui est émise. Et comme la matière enregistre tout, comme la cassette, c'est de la matière qui enregistre, comme une photo, c'est de la matière qui enregistre, il faut le bon appareil pour le lire, mais tout enregistre. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à la longue, avec des milliards d'individus depuis que l'homme commence à penser mal, ça date de Bain à Vincinge, alors ce qui arrive, c'est que toutes ces formes d'énergie négative là finissent par attraction vibratoire s'agglomérer ensemble et ça forme ce qui est l'égrégore Satan ou le diable. Et cet égrégore-là devient tellement puissant qu'il peut finir par agir dans le plan matériel de l'homme. Mais il n'est pas dangereux. Il est dangereux seulement si l'homme a peur ou la femme a peur. Et quand on a peur, automatiquement, on abaisse nos vibrations. Et abaissant nos vibrations, notre schéma d'âme, notre schéma astral finit par pouvoir être en contact avec une entité, disons, d'ordre satanique, qui automatiquement nous manipule. Mais sa manipulation ne peut pas rester longtemps chez l'homme. Si elle reste longtemps, c'est-à-dire que si elle est puissante, on assiste à une possession totale. Alors, dans le cas d'une possession totale, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'organise pour artificiellement créer une descente d'énergie positive. Donc, on peut faire un exorcisme. C'est quoi un exorcisme? C'est simplement que par certaines formes de prière, par certains objets qu'on appelle sacrés, c'est-à-dire que sacré quelque chose, comme dirait Mgr Schaffner. Alors, ce qui arrive, c'est simplement qu'en prenant ces choses-là, l'exorciste va appeler l'égrégore de pensée positive, donc d'ordre yavique, qui est de même ordre que la pensée satanique. Tout ce que l'homme a pensé en bien, ou tout ce que l'homme a fait de bien, ou tout ce qui a été émis en prière ou en pensée, a, par attraction, créé la même entité astrale. Et l'exorciste va appeler cette entité-là, et l'entité venant, bien, automatiquement, va remonter les vibrations de l'individu, ce qui fait que l'individu, en augmentant son schéma vibratoire, perd automatiquement le contact avec l'entité satanique. Mais il n'y a aucune entité satanique qui peut rentrer dans un homme. Elle ne peut le manipuler que de l'extérieur. Moi, je frappe sur mon verre. Je manipule l'eau, j'émets une onde dans l'eau, mais je ne touche pas l'eau. Et si l'eau devient de la glace, bien, automatiquement, j'ai beau frapper, je n'émets plus d'onde. J'en émets une, mais jamais autant. Et si l'eau, par contre, devient de la vapeur, donc si on augmente son schéma vibratoire, j'aurai beau frapper, jamais je vais rien, je vais créer aucune vibration dans la vapeur. Alors, ce qui fait que Satan ne peut pas acheter l'âme de personne, parce que l'âme, c'est quelque chose qui appartient à l'individu, et qui va le suivre jusqu'à sa mort, et qui va s'en aller dans des plans tout à fait normales par après, qu'on appelle le purgatoire, une phase purgatorielle, etc. Mais l'âme ne peut être vendue à Satan. Par contre, l'individu qui a vécu une descente d'énergie, donc qui a été pendant un laps de temps en contact avec une vibration de type satanique, peut avoir l'impression, même si elle le dit, je te donne tout, etc., à qui elle donnait tout? À un égrégore, à un concept, à une idée, qui a un pouvoir sur la Terre tant que l'individu a peur ou tant que l'individu est dans un bas astral. Un individu drogué qui fait un retour, donc un bad trip, un alcoolique, un dépressif, un schizophrène, n'importe quel genre de psychosé ou de névrosé avancée, des personnes qui sont sur des médicaments. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, ces entités sataniques-là vont manipuler comme mon doigt manipule l'eau sans y toucher. Mais je ne peux pas acheter l'eau, je ne peux pas la sortir. L'âme ne peut pas appartenir à personne d'autre qu'à l'individu. L'âme, c'est l'enveloppe de votre psychologie, donc de l'astral humain. Et à l'intérieur de cette âme-là, c'est comme un œuf. L'âme, c'est la coquille. Et le jaune d'œuf, c'est ce qui a été concentré de votre mémoire, de votre astral, de votre psychologie. Et c'est ce qu'on appelle l'ego. Le concentré d'identification que vous avez de vous-même, c'est l'ego. Toutes les mémoires autour qui ne font pas partie de l'ego, c'est l'astral. Et l'enveloppe de tout ça, ce qui protège, donc ce qui retient vos propres mémoires et qui empêche tes mémoires de se mélanger avec les miennes, cette enveloppe-là, c'est l'âme. Mais tant que l'âme existe, l'individu a un ego, parce que tout est conservé à l'intérieur. Et tant que l'individu a un ego, l'individu s'identifie à lui. Et tant que l'individu s'identifie à lui, l'individu ne peut pas être l'univers. L'individu ne peut pas être Dieu. L'individu ne peut pas être quoi que ce soit sauf lui. Donc, un jour, l'âme va être désagrégée. Pas par Satan. Satan n'arrivera jamais à désagréger un âme. Ces énergies-là ne peuvent faire que concentrer l'âme. Ils peuvent pas acheter l'âme, ils peuvent te bâtir une âme plus solide. C'est tout, par la peur. Mais quand tu sais, quand tu finis par comprendre que Satan, tout ce qu'il peut faire, c'est te faire peur, et quand tu as peur, il te manipule comment, te faisant plus peur. Tu peux pas rien vendre à Satan, tu peux pas rien faire. Et le fait que tu fasses un pacte avec le diable et que tu guérisses de quelque chose ou qu'un autre guérisse de quelque chose ou que tu gagnes à la loterie ou n'importe quoi, c'est simplement parce que l'homme ne peut pas faire ce qu'il aurait à faire parce que l'homme a des barrières psychologiques qui l'empêchent de faire ce qu'il veut faire. Et si l'homme arrive à se donner une limite, une étape à atteindre, et quand j'aurai atteint ça, j'aurai le droit d'avoir quelque chose, de réussir à jouer quelque chose. Et quand je dis le droit, c'est inconsciemment qu'on se dit ça. Moi, je dois jouer pendant 2 ans du piano ou de la guitare avant d'être capable de jouer comme il faut. Bon, ben, je suis pogné, faut que je pratique pendant 2 ans de temps parce qu'avant ça, je pourrais pas jouer comme du monde. Je me suis donné un défi puis un travail intensif à faire. Ou encore, je vais monter les marches du Mont-Royal à genoux. Et quand j'arrive en haut, ben, je peux demander au frère André de me donner une guérison. Comme la personne qui était rentrée avec une jambe en moins, qui était rentrée à l'oratoire, puis elle est arrivée là, puis elle a dit, frère André, fais que mes jambes soient pareilles. Puis il est sorti, plus de jambes pantoute. Bon, mais c'est bon de savoir ce qu'on veut quand on demande de quoi. Bon, alors ce qui arrive simplement, c'est ça, c'est que le frère André n'y est pour rien, il est même plus là. Par contre, toi, tu t'es donné une chose à faire, une étape à atteindre, et quand tu l'atteins, ta psychologie te permet d'avoir ça. Un pacte avec le diable, c'est la même affaire. Quand tu as réussi ça, tu peux avoir ce que tu veux. Et fais donc un pacte avec Dieu à la place, ça va la même chose. Parce que le Dieu dans le ciel, le Dieu psychologique humain, qui était construit par l'homme à son image et à sa ressemblance, et qui est différent du Dieu dans les cieux, que le Nazaréen parlait, ben c'est un Dieu qui est... Tu peux faire un pacte avec de la même manière. Tu peux prier Dieu pour vaincre tes ennemis, puis il y a ceux qui prient Dieu. Quand il y a des grosses guerres, les deux prient Dieu, puis il y a toujours un vainqueur pareil. Alors... Alors, si je comprends bien, Daniel, lorsqu'il y a des descentes d'énergie, plus l'énergie est forte, plus ça peut être dangereux pour capter une énergie, une sorte d'énergie négative, et, oui. Et plus il peut y avoir de chances pour capter l'énergie positive. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour bénéficier le plus possible d'une descente d'énergie? Bon, premièrement, la descente d'énergie, disons, présentement, dans l'échelle évolutionnaire planétaire, ben il y a une chose qui est très, très, mais très, très, très, très difficile et même impossible pour la majorité des humains, très facile pour vous, il faut être au Québec, premièrement. Alors, ce qui fait qu'une fois qu'on est ici, ben, on est dans un endroit justement où il va y avoir une focalisation de cette énergie-là. Pour en bénéficier, ben, il faut simplement continuer à vivre normalement. Il ne faut pas se poser de questions. Ce n'est pas le fait d'en bénéficier. L'évolution génétique, l'évolution héréditaire aussi au niveau du schéma social, hein, qui permet de faire des conférences comme ça, qui permet d'avoir des livres, qui permet d'avoir des émissions de télévision qui te développent, ça fait en sorte que les individus vont être aptes, vont être prêts à bénéficier de cette énergie-là. Mais c'est pas parce que tu es assis sur un poteau de clôture en position du lotus que tu vas en bénéficier plus qu'un autre. Tu risques d'avoir des hémorroïdes. Pour bénéficier de cette énergie-là, L'être humain qui peut en bénéficier, c'est un être humain qui va connaître un peu c'est quoi l'énergie. On l'a vu un peu à une conférence ultérieure. Mais c'est surtout un être humain qui va être capable d'avoir toujours à l'esprit qu'à un moment donné, il peut se sentir dépressif, ce qui est normal pour n'importe quel être humain par rapport aux différences de potentiel. C'est simplement un être humain qui est capable tout d'un coup de comprendre des choses, puis d'un coup, ça va, il se réveille, ça débloque. Enfin, il comprend. Puis quelques temps après, enfin, il comprend plus pas tout. Là, il est tout mélangé, là, il est viré sur le top, comme on dit en québécois. Il sait plus où aller. Bien, il faut qu'il trouve ça normal d'être viré sur le top, c'est-à-dire de ne plus savoir où aller. De ne pas paniquer. Faut pas qu'il panique, parce que c'est absolument normal qu'à un moment donné, tu commences à comprendre parce que tes cellules cérébrales commencent à vibrer. Donc, parce que tu commences à comprendre, il y a une mutation psychologique et cérébrale, hein, biophysique, qui commence. Et à un moment donné, quand l'énergie ne vient plus, où, quand, disons, on a une forme d'énergie qu'on peut appeler l'ajusteur de pensée, quand toi... Il y a une forme de soupape qui va se fermer pour ne plus recevoir d'énergie parce que tu en as eu assez. Et plus, ça peut être dangereux pour toi. Quand ça s'est fermé, automatiquement, tu recommences à dégringolade. Mais là, toi, par rapport à toi-même, en te voyant dégringoler, tu peux paniquer, justement. Tu comprends plus rien. Et tout ce que tu as compris, revient en un méli-mélo absolument indescriptible. Tu ne comprends plus rien. Je le dis souvent, dans ce temps-là, tu vas voir un film, tu t'achètes le petit pad de bois, je recommande souvent, tu le mets chez vous, tu te tapes la tête dessus. Mais tu te suicides pas, tu prends pas de médicaments, c'est pas nécessaire. Si tu en as besoin, ça peut toujours aller. Mais là, une chose qui est sûre, c'est que pour en bénéficier, il faut savoir que tout ce qui, dans l'évolution présente, disons, de la race, tout ce qui amène du bien va automatiquement, par après, amener du mal. Et ce mal-là est d'autant plus mal que l'individu le vit mal. Moi, j'en ai pas de mal après. À un moment donné, je comprends plus rien, c'est tout. Puis je sais pas plus mal. Je suis capable encore de conduire mon auto, je dors aussi bien le soir, puis j'ai des astériques, puis je suis capable de comprendre les farces qu'ils mettent dedans. Bon. Mais à un moment donné, quand ça recommence à comprendre, ça comprend. Puis quand ça arrête de comprendre, ça arrête de comprendre. Je prends les vrais, j'arrête d'écrire, si j'étais en train d'écrire un livre. Je panique pas. Il y a énormément d'individus qui paniquent, qui vont laisser leur travail, qui vont tout abandonner pour pouvoir se renfermer sur eux autres, pour pouvoir méditer, pour essayer de pousser la compréhension. Mais c'est l'astral qui veut ça, c'est ta psychologie. Et l'énergie qui va descendre, puis qui est stagnante un peu partout ici, cette énergie-là, elle n'est pas de type astral. Puis c'est pas en te raisonnant qu'elle va venir, elle n'est pas de type mental. Elle est de type libre de l'homme. Donc, elle vient quand elle veut venir. Et ce qui fait que si tu te bornes à vouloir la recevoir, tu la recevras jamais. Elle va être là, elle va baigner tout le monde, ton chat va évoluer, ton chien va évoluer, ta plante va refleurir, puis toi, tu vas te déprimer. Bon. Alors, ce qui fait que toute la vie, c'est normal, et toi, il faut que tu continues à être normal. À un moment donné, tu comprends bien des choses, ou à un moment donné, tu te réveilles, t'es heureux, t'es bien, tout va bien, puis tout d'un coup, paf! On dirait que, il n'y a plus rien. Là, ça marche plus. T'avais faim, t'as plus faim. Tu sais plus quoi faire, t'es plus capable de placer tes idées en ordre. Si tu sautes pas sur un pot de médicaments, t'es même pas en état de lire la postologie. Tu fais plus rien, c'est normal. Tu vas boire un verre de coke. Puis t'attends. Tu continues à vivre normalement. Si t'as une femme, tu t'occupes de ta femme. Si t'as un mari, tu t'occupes de ton mari. Si vous avez des enfants, on s'occupe de ses enfants. Si on a un chien, on s'occupe du chien, on arrose toujours les plantes. Tu continues normalement. Et là, tu vas pouvoir bénéficier d'une descente d'énergie. Pourquoi? Parce que t'as besoin de ces repos-là. Mais repos que toi, tu peux cataloguer comme étant une dépression. Donc, ça devient automatiquement une entrée d'énergie négative. Pourquoi? Parce que étant en dépression, donc tes vibrations diminuent, baissent, automatiquement, tu peux arriver à être au niveau vibratoire d'une forme astrale qui est négative, donc du bas astral. Et automatiquement, étant en relation avec, tu deviens assujetti et manipulé par ce bas astral-là. Donc, tu as une descente d'énergie négative. Et ça peut t'amener jusqu'à prier pour avoir des choses, même si ça nuit aux autres. Comme tel, on s'en fout que ça nuise aux autres. T'es pas sur terre pour aider les autres, t'es sur terre pour évoluer. Mais mettons que, quand même, t'en arrives jusque-là, qui peut t'amener un certain karma négatif parce que tu comprends pas les lois qui régissent le monde astral. Et au pis-aller, tu vends ton âme au diable. Lorsque cette énergie négative-là arrive après l'énergie positive, ça serait pas pour balancer, en quelque sorte, d'une certaine façon, une partie des cellules de l'humain? C'est-à-dire que ça ne balance pas, mais c'est un repos. L'énergie négative n'est pas nécessaire à l'homme. Parce que l'énergie positive n'est pas nécessaire en théorie, mais si on regarde les grands initiés, dont Jésus, Aurobindo, ainsi de suite, ceux qui ont travaillé dans le supramental, ce qui s'est produit, c'est qu'au moment où ils fonçaient, ils avançaient dans le positif, il y avait automatiquement le négatif qui revenait par après. Et puis tous ceux qui entouraient ces initiés-là bénéficiaient du positif et avaient aussi à absorber le coût du négatif. As-tu, ça, c'est vu par une personne qui n'est pas un initié. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu aurais demandé à Aurobindo, à un moment donné, tu es malheureux, tu aurais dit non. Mais tu aurais dit, moi, mais t'as les deux pieds dans la merde. Ben, ça se lave. On va les laver. Oui. Toi, tu aurais été malheureux. Mais eux autres n'ont jamais vécu de descente d'énergie négative. L'énergie positive descend. À un moment donné, elle arrête pour laisser à l'individu le temps de se reposer. Mais l'individu qui est initié, disons que... On peut pas dire que c'est une solution pour les individus majoritaires, en majorité, pour pouvoir bénéficier d'une descente d'énergie. Parce que normalement, eux autres devraient être assujettis à une descente d'énergie négative par après. Mais ils peuvent la limiter dans le sens que, bof, c'est pas important. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence. Il y a une grande différence parce qu'au moment où Aurobindo faisait son travail, il n'y avait pas nécessairement de descente d'énergie. Il baignait dans une énergie qui était beaucoup plus faible qu'elle est aujourd'hui. Exactement. Et puis, aujourd'hui, on parle de descente qui est une agglomération plus forte d'énergie qu'il n'y avait pas à ce moment-là au même niveau qu'aujourd'hui. Mais surtout que ces initiés-là, quand ils recevaient l'énergie, parce qu'il y a eu des descentes à un moment donné, au niveau du Nazarène, c'est évident. De toute façon, lui-même a été une descente tout court. Bon. Alors, ce qui arrivait, c'est que quand l'énergie descend, disons, dans un initié, prenons aujourd'hui, quand l'énergie se retire, l'énergie supramentale continue à vibrer et à rayonner et à circuler dans l'initié. Donc, il n'y a pas de descente d'énergie négative, même s'il n'y a plus de descente d'énergie positive. Et à un moment donné, l'énergie positive revient et lui continue à avancer. Alors, lui va évoluer comme ça, étape, comme ça, un break. Un individu normal va faire comme ça, redescend, mais normalement pas aussi bas que le départ. Mais lui, se voyant redescendre, déprime, il peut aller aussi bas et même plus bas. Bon. Alors, ce qui fait que... Mais il faut pas qu'on prenne trop d'exemples avec ceux qui nous ont précédés, parce que c'est des individus qui avaient pas le physique évolué qu'on a, avaient pas un cerveau comme on a présentement, ce qui fait qu'automatiquement, le résultat sur leur physique, sur leur psychologie, était différent, était autre que le nôtre. C'était des pionniers. Oui, évidemment. Alors, évidemment, certains ont plus souffert que d'autres, même qui ont été carrément brûlés, parce que les choses sont mal marchées. Mais lorsque tu dis que l'initié entretient cette énergie supramentale, peut-être que c'est à ce moment-là que les gens qui l'entourent peuvent en bénéficier parce qu'ils se trouvent à être générateurs d'énergie à ce moment-là. Automatiquement. Alors, ce qui fait que, disons, que pour bénéficier de l'énergie positive, il y en a régulièrement autour de nous, parce que, disons que la première descente d'énergie positive, c'est quand toi, tu rencontres un individu qui rayonne. Un individu qui est bien normal, qui d'un coup est extrêmement joyeux, puis toi, quand tu le rencontres, t'aimes ça être avec. Alors donc, toi, tu deviens un capteur d'énergie, puis lui, un rayonnant d'énergie. Et puis, quand ça devient, disons, extrême, on peut employer un terme qui n'est pas tellement joli, mais tu peux finir par devenir un suceux d'énergie, un têteux d'énergie. Puis automatiquement, bien, l'individu qui rayonne ne veut plus te parler, ne veut plus te boire, va te fuir. Puis toi, tu déprimes encore plus parce que tu essaies de ramasser, puis les individus qui donnaient gratuitement, à un moment donné, bien là, tout aussi s'épuisent. Parce que l'énergie, ça se donne pas gratuitement. L'énergie, tu la reçois, tu vis des phénomènes physiques, psychologiques, émotifs et tout ça avec ça. Donc, disons que tu passes par une période de souffrance. C'est pas gratuit, cette captation d'énergie-là. Tu la rayonnes, mais à la condition qu'elle serve à autrui. Si tu la donnes à quelqu'un qui suctionne ton énergie pour rien, ben tu gaspilles ton énergie. Puis gaspiller de l'énergie, bien évidemment, à un moment donné, tu vas être, disons, pas puni, mais il n'y a plus d'énergie qui rentre. Tu vas payer pour. Exactement. Tu payes pour dans le sens que tu vas à l'encontre d'une loi normale. Il n'y a pas aucun dieu tapageur avec une baguette qui va venir te punir, c'est simplement que tu ne suis pas une loi normale. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, ça ne marche plus. Alors, ce qui arrive, vois-tu, c'est que si toi, tu es capable de bénéficier de l'énergie d'un individu qui en a plus, c'est déjà, disons, une pratique aller aux descentes d'énergie. Parce que ce qui est supérieur à toi, automatiquement se déverse à l'intérieur de toi. Et si toi, tu es capable d'en bénéficier, c'est parfait. Maintenant, les descentes d'énergie, comme on va avoir cet automne 84, bien, ces descentes-là, il y a certains individus, disons, la majorité des individus qui commencent à suivre de plus en plus des cours ou des conférences, pas juste ici, parce qu'il y a quelques autres conférenciers qui sont, disons, d'ordre supramental, automatiquement, ces individus-là finissent par avoir une compréhension plus grande. Donc, ils sont capables de percevoir, puis c'est là qu'il est important, de percevoir des symptômes sur eux qui sont simplement des révélations de captation d'énergie. Mais c'est pas parce qu'à un moment donné, tu te sens un petit doigt piqué qu'il faut que tu grimpes au plafond. « Ah, ça y est, je suis bon, c'est... » Non, c'est pas ça pantoute. Parce que si tu le grattes, ça s'en va, ben c'est juste une démangeaison. Par contre, ça peut être un résultat d'une captation d'énergie. Mais ça, tu t'en fous. L'important, c'est que tu le vois. Quand tu vas dans le bois, tu te promènes, pour ceux qui vont dans le bois, Ceux qui ne vont pas, vous devriez y aller plus souvent. Bon, si vous allez dans le bois, à un moment donné, vous rencontrez un chevreuil qui est en train de brouter. Je vous dis pas quoi, vous irez voir. Puis là, vous regardez le chevreuil, puis c'est bien normal. Comme si tu en voyais un tous les cinq minutes. Fait que tu le regardes, après ça, tu t'en vas. Mais lui, il va rester là. Mais si tu arrives devant le chevreuil, comme c'est le cas, comme si tu n'en voyais jamais, regarde bien que le chevreuil ne restera pas là longtemps. Pourquoi? Parce que tu vas réagir astralement, psychologiquement, émotivement à ça, et tu déformes toute l'harmonie qu'il y a là. Mais l'énergie qui rentre en toi, c'est la même chose. Tout d'un coup, il y a un phénomène. Tu comprends des choses. Ou bien non, tu as des chauffements au niveau de la tête, des bourdonnements d'oreilles. Enfin, il y a différents phénomènes. Bien, si tu commences à laisser s'exprimer une émotion par rapport à une captation comme ça, automatiquement, tu l'annules, tu la détruis. Et en plus, tu pourras jamais être capable de par ton mental de discerner si c'était une cause, disons, biologique, physique, absolument normale. Tu es assis sur un clou, tu sais, c'est pour ça que ça te pique dans les fesses. Tu te lèves debout et puis bon, tu sais. Alors, si tu laisses l'émotivité embarquer, tu fais une crise de cœur, tu penses que tu fusionnes. Tu sais? Alors, c'est ça qui arrive. Alors, c'est disons qu'il faut que tu connaisses les symptômes, mais en connaissant ces symptômes-là, il faut juste que tu les perçoives. Ça bourdonne dans l'oreille, oui, c'est ça. C'est peut-être parce que c'est trop de tir, c'est peut-être parce que il y a un manque de circulation au niveau de l'oreille, c'est peut-être parce qu'il y a un balancement d'énergie au niveau d'un des deux hémisphères cérébrales. Ça peut être ça. Mais tout ce qui est important, c'est que tu portes attention sans porter attention. Donc, une attention anaénergétique, une attention sans y mettre d'énergie. T'es pas assis en position de lotus sur un piquet de clôture, justement. Là, t'es concentré. Puis quand t'es concentré, t'es con. T'es un concentré. Le con. Est-ce que tu serais d'accord, Daniel, si on dirait que chaque individu a un ajusteur de pensée? Oui. Par contre, on a déjà un peu défini c'était quoi l'ajusteur de pensée. Mais l'ajusteur de pensée, disons que c'est une forme d'énergie. C'est la première énergie qui descend dans l'homme, qui va commencer à muter ses cellules cérébrales et à muter son mental. Cette forme-là, ce qui va se passer au niveau des connexions neurologiques, au niveau des neurones, cette forme de connexion-là va finir par créer un cheminement nouveau. Et ce cheminement nouveau-là, qui est né du supramental et du mental, va être, en termes de vibration, ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée. Donc, quand l'énergie supramentale, quand l'énergie, disons, divine ou de l'esprit saint, de l'esprit intelligent, descend trop rapidement, les connexions n'étant pas adéquatement faites, elles ne pourront pas passer. Parce que les nouvelles connexions que l'on peut appeler ajusteurs de pensée ne permettent pas, donc interdisent, la descente d'énergie dans l'homme, donc ils le protègent. C'est l'ajusteur de pensée. Et ça, n'importe quel individu en a un. C'est-à-dire que l'individu a un ajusteur de pensée depuis, et seulement depuis, qu'un individu est venu sur la Terre et de par son cheminement initiatique, a réussi à élever les vibrations de l'astral planétaire. Et les vibrations planétaires étant élevées, ça l'a, par attraction, attiré une nouvelle forme d'énergie, qui est l'énergie intelligente, l'énergie de savoir instantané ou l'Esprit Saint. Et par attraction, depuis ce temps-là, les hommes ont un ajusteur de pensée, donc les hommes peuvent capter l'énergie supramentale, donc les hommes sont capables de continuer leur évolution pour devenir ce qu'on appellerait Dieu. Et ce bonhomme-là, c'est Jésus de Nazareth, qui, justement, après son passage sur la Terre, la planète Terre a vibré plus haute, et donc, on dit qu'il a sauvé l'humanité. Mais il n'a pas sauvé personne. Mais par contre, lui, il a fait son cheminement, et puis ça l'a amené à la planète Terre la vibration nécessaire pour permettre à l'individu individuel d'avoir un ajusteur de pensée et de capter l'Esprit Saint, donc intelligence active, ce qu'on parle, et qui commence présentement à descendre plus massivement sur la planète Terre. Si on parle du bien de la sixième race, à ce moment-là, on pourrait dire que oui, le Nazaréen aurait sauvé l'humanité. Oui, par rapport à la sixième race, pas par rapport au Nazaréen. Je pense que c'est un côté à regarder de la façon que c'est... Par rapport à ceux qui sont involués, oui. Alors, si on admet que chaque individu qui fait un cheminement a un ajusteur de pensée, à ce moment-là, les gens qui vont dans des conférences, qui, dans certains cas, par des lectures ou par des échanges, surtout par la parole, par des échanges, augmentent leur taux de vibration. Lorsqu'il y a des descentes d'énergie, automatiquement, est-ce qu'on pourrait dire que plus que le corps physique, mental, astral est prêt, plus qu'il peut recevoir d'énergie supramentale, et puis que l'ajusteur de pensée agit comme une valve pour déterminer quand il y en a assez. C'est presque ça, c'est-à-dire que l'individu ne recevra pas plus d'énergie. Par contre, il peut mieux la canaliser, donc il va mieux en bénéficier. Et automatiquement, en bénéficiant mieux, Son ajusteur de pensée, donc, sa mutation cérébrale, va être légèrement accentuée. Donc, automatiquement, étant accentuée, là, elle va recevoir plus d'énergie. Mais ce n'est pas par ses connaissances. Ses connaissances, donc au niveau mental, au niveau astral, son évolution astrale et mentale, va lui permettre surtout d'être capable de discerner entre des phénomènes qui sont importants et des phénomènes qui ne sont pas importants. Et qu'est-ce qui n'est pas important? Bien, à peu près tout. Tout ça, ce n'est pas important. Qu'est-ce qui est important? À peu près rien. Hein? Ce qui fait que, automatiquement, l'individu pouvant le discerner, bien, ne grimpera pas sur ses grands chevaux, ou bien non, sur ses grands maîtres, quand il reçoit quelque chose. S'il est déprimé par après, il va trouver ça normal d'être déprimé. Parce que, vois-tu, l'individu qui est déprimé autogénère sa dépression. Hein? Alors, tu ne vendras pas ton âme au diable, justement. Hein? Je reviens souvent sur ce genre d'expression-là, vendre son âme au diable. Ça fait longtemps que les individus ne l'ont pas fait, pas dans le sens du diable. Mais il y a plusieurs individus qui ont vendu leurs âmes, c'est-à-dire qui n'ont rien vendu pantoute, mais qui ont remis leur vie dans les mains de médicaments. Mais c'est quoi se remettre sa vie dans les mains d'un tas de médicaments, dans un stack Stamberg de médicaments, pour ces dates? C'est quoi ça? Bien, ça, c'est remettre bien pire. Bien, c'est bien pire que remettre ton âme au diable. Parce que les médicaments, c'est une drogue physique. La drogue physique, ça te bien plus de misère à t'en débarrasser qu'une drogue psychologique. Parce que quand tu donnes, disons, ton âme au diable, bien, ou à une religion, ou bien non, à un maître, ou bien non, à n'importe quoi, quand ça devient important pour toi d'aller quelque part, ça commence à être dangereux, c'est là, faut que tu checkes. Bon, bien, quand tu vends ton âme au diable, il y a juste la drogue psychologique à éliminer, la peur, la crainte psychologique. Quand tu vends toute ta vie, ton âme, donc quand tu remets ta vie dans les mains du diable, tu as un problème psychologique à régler, qui est gros, OK, dépendant de comment tu autogénères toi-même ça, comment tu l'entretiens, tu le nourris. Mais quand tu mets ta vie dans les mains d'une pile de médicaments, bien, t'as la psychologie du médicament, même chose que le diable. Puis en plus, t'as le besoin physique, bien pire. Quelqu'un qui vend son âme au diable, il est bien parti. Il n'y a pas grand problème. Quelqu'un qui donne sa vie à des médicaments, il y a un maudit problème. Je ne parle pas d'un ou deux médicaments, là. Mais je te parle d'une série complète de médicaments, là. Même le pharmacien ne se retrouve plus, là, tu sais. Ça déborde le compendium des produits pharmaceutiques. Bon. Alors, ce qui arrive au-dessus, c'est ça. Si toi, il va y avoir des descentes d'énergie positive. Les individus ici n'auront pas le choix. Ils vont mieux capter ces énergies-là. Ils vont mieux capter. Maintenant, ça se répercute dans l'individu de tellement de manières différentes que faut pas qu'on me demande « j'ai un mal aux cheveux, c'est tout ça, j'ai mal à l'orteil, c'est tout ça, j'ai tu sais, bon. » Ça se répercute comme ça, comme bien d'autres manières, mais normalement, disons que la façon la plus harmonieuse va être par une compréhension meilleure, par des maladies qui guérissent tout seul, lentement, à un moment donné, qui disparaissent. Comme j'expliquais, à un moment donné, tu roulais avec ton auto qui prenait bien de l'huile, à un moment donné, il prend plus d'huile. Ça a l'air fou, bon, c'est ça, mais c'est une expression, cette énergie-là. En ésotérisme, on dit « il n'y a pas de hasard ». Maintenant, pour les bénéficier le plus possible des énergies supramentales, on dit aussi que tu ne peux rien faire. Mm-hmm, exactement. Que tes connaissances n'aideront pas. Que tes demandes sous forme de prière ou de magie ou quoi que ce soit n'aideront pas plus. Non. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait que tel et tel individu se ramasse à un certain endroit pour bénéficier de ça? Vois-tu, c'est que l'homme lui-même, sa psychologie émotive, c'est une forme de schéma mémoriel qui se sont placés ensemble selon un programme préétabli par la société, par les parents, par l'éducation. Ce qui fait que l'homme est donc programmé. Hein, si je te dis « mange la marde », ben, automatiquement, ça, c'est une entrée, ça va dans tes mémoires. Normalement, quand tu entends ça, puis ça s'adresse à toi, tu devrais automatiquement réagir de même. Donc, tu reviens en haut, tu es tout rouge de colère, puis tu réponds « déshabille-toi, je ne dis pas le linge ». Bon. Quelque chose dans le genre, en tout cas. Alors, ce qui arrive au-dessus, c'est que pourquoi c'est simplement ça? C'est que à chaque réaction, si tu t'habilles tout nouveau, puis quelqu'un te dit « t'es cute, t'es chou comme un pet », ben, automatiquement, ça va en dedans, c'est analysé, puis ça revient, tu es tout content. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que tu es programmé, et dépendant de toutes les entrées, les données, tu réagis. L'homme, c'est une réaction. Bon. L'énergie qui descend, c'est une énergie qui va transmuter l'homme en un homme qui va être actif. Une énergie active et non pas une énergie passive. Comme l'homme, présentement, est mené par une intelligence passive. L'homme réagit. Tu as peur, pourquoi? Bien, il y a un gros chien, là. Ben oui, parce que le chien, dans tes mémoires, donne ta, donc, automatiquement, tu réagis, tu as peur. Ou bien non, si le chien, c'est bien le fun, automatiquement, t'aimes ça. Hein? Tu es programmé. Alors, ce qui arrive, c'est que, disons que certains individus, par l'apprentissage, comme on fait en conférence, comme on fait en séminaire, comme on fait, etc., ou en lisant à la télévision, finissent par agglomérer de nouvelles données dans leur programme. Et lentement, dépendant de comment s'est formé ce programme-là, qui te mène, toi, celui qui te manipule, bien, ce programme-là va t'amener, à un moment donné, à se bâtir de nouvelles manières, donc à comprendre différemment des nôtres, et à un moment donné, ça t'arrive à pouvoir, donc, sur le bon chemin. Écoute-toi, il n'y a pas de hasard. Mais l'homme qui ne comprend pas le cheminement que je viens d'énumérer va dire que c'est un hasard. Mais il n'y a pas de hasard. Tu arrives à être placé là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les individus qui n'ont pas un programme, disons, qui va les amener là prochainement? Bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très important, c'est sérieux. Puis là, bien, je fais une petite parenthèse. Il y a un cours qu'on a commencé qui est le cours Programme Maître Contrôleur. C'est un terme qui a l'air bizarre. C'est pas un terme de radio machin chouette ou bien non, Srima, bien, en tout cas. Programme Maître Contrôleur. C'est quoi? C'est ça. C'est un programme. L'individu, son mental, par la connaissance du reste, par une pratique corporelle, une pratique vitale, une pratique astrale, une pratique mentale, etc., va finir par pouvoir refaire son programme ou refaire ses programmes pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Quand un individu est capable d'arriver puis de dire « Je suis mon seul maître », ça veut pas dire qu'il écoute plus personne. Ça veut dire que lui n'est plus manipulé par lui-même. Ça veut dire que quand lui, il suit un régime, ben s'il regarde de quoi pour manger, ben il a pas faim. Il est pas pogné à lutter contre. Parce que lui, il a décidé qu'il a besoin d'un régime parce que c'était évident. Ben c'est logique, c'est correct. Il est son seul maître. Puis il n'y a pas une maudite mémoire qui va remonter en avant pour lui dire c'est bon, cette nouvelle plante, ça, il n'y a personne qui doit faire, etc. Tu t'en vas quelque part, d'un coup, t'as peur. T'as peur pourquoi? Parce qu'il y a telle affaire. Mais non, je suis mon seul maître. C'est le mental qui parle. C'est le seul qui peut parler. Lui, il va juger la situation. Puis il n'y a pas une maudite mémoire qui va venir lui dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. N'importe comment. Le mental va regarder ça, il va dire, bon, parfait, il y a telle chose. Il y a un gros iceberg qui descend sur le boulevard chez Sherbrooke, qui descend sur mon char. Automatiquement, le mental va fouiller en ses mémoires, puis il va aller voir s'il y a des choses adéquates pour réagir à ça. Il allumera pas son briquet pour le faire fondre. Il paniquera pas, il criera pas, va dire, tu sais, bon. Alors, ce qui fait que le programme Maître Contrôleur, c'est ça. Ça, c'est une session qu'on commence, qui va durer peut-être 3 ans, session par session, là. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'un individu peut, de n'importe quelle façon, à l'extérieur. Un gars qui va au Vietnam, à un moment donné, ben, quand il revient, là, son programme est carrément changé. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y avait comme programme ne fitait pas, là. Il y a un programme que l'armée lui a donné qui pouvait fitter un peu, mais il essaye de mélanger ça. Il prie plus, etc., pendant qu'il prie son chum, se fait tuer à côté de lui, tu sais. Bon, ben, des choses de même. Puis, il arrive à un moment donné que son programme change. En bien ou en pire. Et plus souvent, c'est en pire. Puis quand il revient, ben là, il est pogné avec un paquet d'affaires. Il rêve la nuit aux obus qui tombent à son chum qui se fait tuer. Il y a un paquet d'affaires de même. Il y a des tics nerveux. Qui c'est qui contrôle qui? Ses mémoires. Il n'est pas son maître. Nous sommes plusieurs maîtres en un. C'est la seule affaire qu'il peut dire. Puis on chicane tout le temps. Bon. Alors, si tu peux refaire ton programme, mais d'une façon qui est coordonnée, qui est correcte. C'est quoi correct? Ben, c'est de sorte que ça va t'amener à être ton seul maître. Il vient un moment donné où c'est que tu ne devrais plus être dépendant de livres, de conférences, de cours, de quoi que ce soit, où tu deviens un être humain debout, pas un être humain qui est, disons, pas debout, hein. Tu deviens un réel homme, une réelle femme, dans le sens du verso, et tu es ton seul maître. C'est sûr que si le feu passe au rouge, t'arrêtes. C'est pas ça être son seul maître. Ça veut pas dire de pas écouter personne. Ça veut dire que si tu dis quelque chose qui a de l'allure, ben, mon astral viendra pas dire, lui, c'est un cave, il balaye la rue. Je suis mon seul maître, puis c'est moi, mon mental, qui va déterminer ça. Si t'es un balayeur de rue, puis tu me dis de quoi qu'il y a bien de l'allure, moi, je viens de jeter un papier à terre, puis je viens de gagner 1 000 000, puis tu me dis, hey, c'est pas propre. Si ça a bien de l'allure, ben je le ramasse, mon papier, je le mets dans la poubelle. Parce que c'est moi. Je suis capable de déterminer ce qui est correct, puis ce qui ne l'est pas. C'est ça, être son seul maître. C'est pour ça qu'on a, je te mets le programme maître contrôleur. Tu dois être ton seul maître. Un individu qui peut arriver... Puis ça, il y a bien des manières. La vie en est une, mais c'est plus long pour des individus. Tu me posais la question, pourquoi certains arrivent à être au bon moment, au bon endroit? C'est pas le hasard, mais c'est pas tout le monde qui est au bon moment, au bon endroit. Puis ceux-là peuvent devenir des... Tu sais? Bon, mais ceux-là ont un programme, donc, de par leur éducation. Puis c'est éducatif, ça. On a un programme qu'on est en train de mettre au point pour le projet OFSA, l'Organisation du Village Scientifique de l'Avenir. Bon, mais ce programme-là, c'est un programme éducatif qui part des petits-enfants, des bébés, et qui va leur permettre d'avoir un programme équilibré au niveau du mental. On leur dira pas quoi croire. Ils vont être capables eux-mêmes de déterminer quoi croire. Parce qu'ils vont avoir appris comment apprendre, puis ils vont avoir appris qu'ils peuvent apprendre. Eux-mêmes sont corrects. Mais c'est ça le programme qu'il faut faire. Bon, alors, les individus qui sont déjà adultes, ben on commence avec ce qu'ils ont déjà, puis la vie, normalement, devrait le faire. Mais la masse, qu'est-ce qu'ils ont besoin? La masse, ils ont besoin de claquer ses fesses, parce que l'homme, c'est encore un enfant. Alors, les claques s'y fait, ça peut être des crises économiques, ça peut être des guerres civiles, ça peut être des guerres militaires, ça peut être, etc. Alors, oui? Pourrais-tu nous brosser un tableau de qu'est-ce que c'est qui pourrait arriver chez un individu, disons, moyen en 1984 qui suit des conférences un peu, là, fait un cheminement tranquillement. Et puis, un autre qui se contrôle par son mental, comme tu viens d'expliquer tantôt, lorsque une descente d'énergie arrive, par exemple. Bon, si une personne n'est pas un super intellectuel, un hyper intellectuel, donc si elle est capable de ne pas tout rationaliser de par... Parce que quelqu'un qui est intellectuel, c'est quelqu'un qui rationalise de par ses connaissances, donc de par ses mémoires. Alors, si tu as une descente d'énergie, par exemple, disons un exemple, là, qui fait flotter le verre d'eau devant toi, puis qui le ramène là, bien, vu que tu n'as rien dans tes mémoires pour te parler, c'est un intellectuel sans cœur, hein, tu as une tête, tu n'as pas de cœur, donc l'astral ne vient pas s'en mêler d'une façon adéquate, il faut un équilibre, pour l'instant. Alors, ce qui va arriver, c'est que tu vas essayer d'expliquer ça par un phénomène, il y a eu un gros coup de vent, puis le verre a changé de bord, tu es revenu là, puis ton verre peut être cassé, tu étais chanceux, bon, en tout cas. Alors, ce qui fait que si tu es trop intellectuel, là, je parle d'un verre, mais à un moment donné, ça peut être... une douleur radiante au niveau du cœur qui arrive bien fort et disparaît instantanément. Tu n'as jamais connu ça. Puis tu fais de la course régulièrement, tu fais des marathons aux Olympiques ou bien non dans la ville de Montréal. Tout est parfait, puis tu ne le reconnaîtras pas. Bien, c'est un intellectuel qui n'a pas la connaissance ésotérique, tu risques de jamais voir ça. Ça va faire quoi? Ça ne te nuira pas. C'est-à-dire que mais ça ne t'aidera pas non plus. Par contre, si tu as les connaissances et que tu n'as pas le contrôle intellectuel, bien là, ce qui va arriver, c'est que ça peut t'aider si tu as le contrôle intellectuel et la connaissance. Donc tu viens des conférences dans ce genre-là. Par contre, si tu viens aux conférences et que tu n'as pas encore atteint le contrôle intellectuel parfait, ça peut te faire peur. Alors, ce qui va arriver, mais un individu qui ne contrôle plus, on parle d'un individu qui contrôle bien son intellect, mais la masse des individus, disons, de l'extérieur, ne contrôle pas leur intellect et n'ont pas la connaissance. Alors, eux autres sont sujets à avoir drôlement peur. Un individu qui a au moins la connaissance ou qui en a du moins une portion et qui ne contrôle pas, qui ne se contrôle pas, donc qui n'est pas son maître, bien lui peut avoir peur, mais ça peut être bénéfique, à moins évidemment qu'il dramatise ça au coton puis qu'il arrive jusqu'à vendre son âme au diable. Alors ce qui arrive, c'est que l'individu même ça peut être nuisible pour lui, comme ça peut être très bénéfique même s'il y a des petites souffrances. Et s'il se contrôle et qu'il a la connaissance, bien là évidemment, il y a des ailes. Mais qu'est-ce que c'est que. Peux-tu élaborer plus quand tu dis il y a des ailes? L'individu qui peut se contrôler et qui a la connaissance, c'est un individu qui est capable de laisser que le discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est être capable de dire que ça, c'est de l'eau puis que ça, c'est du vinaigre. Au goût. Tu goûtes, là, t'as le discernement dans la matière. Si t'as quelque chose qui vient de tes mémoires ou des mémoires planétaires, donc t'es manipulé par le diable, par des mémoires astrales spirituelles, ça peut être manipulé par un grand maître, puis t'es manipulé pareil. C'est pas toi qui le maître, c'est l'autre. Bon. Alors, si ça vient de phénomène astral, si tu as le discernement, automatiquement, tu es capable de ne pas laisser ça agir. Et tu es capable de laisser agir une énergie qui va être intentionnelle, une énergie créatrice, une énergie intelligente, dont l'Esprit Saint. Automatiquement, là, tu es capable de laisser ça agir. Ça, c'est si tu as la connaissance, parce que tu connais les symptômes, tu sais comment fonctionne l'astral, donc tu peux. Parce que pour avoir le contrôle de quelque chose, il faut que tu en aies une totale compréhension. Quand tu connais quelque chose de A à Z, tu peux arriver à le contrôler. Mais si tu n'as pas la compréhension totale de la chose, tu ne peux pas le contrôler. Alors, l'individu qui a la connaissance ou la compréhension, s'il a un bon mental, il peut contrôler. Donc, il va laisser agir des choses qui sont harmonieuses pour lui et il va interdire aux choses négatives, donc à Satan et à tout le tralala, à toute l'astral négatif par rapport à lui, de venir s'interposer. Alors, juste un petit retour comme ça, l'énergie positive descend. Et le manque d'énergie positive se transmute souvent pour l'homme en énergie négative, même s'il n'a pas eu conscience de l'énergie positive. Et on peut aller jusqu'à vendre notre âme au diable, mais il n'y a aucun danger. Notre âme, ça reste à nous autres. Le diable, c'est une forme pensée qui ne peut pas agir, sauf si tu as peur, sauf si tu continues à jouer avec, à penser que tu as vendu ton âme au diable, ou encore à penser que tu as prié à un moment donné pour demander telle chose, puis tu n'auras pas dû. Mais là, tu te culpabilises, tu restes en vibration harmonieuse avec les forces sataniques, c'est fait. Alors, Daniel, sur ce, on termine la première partie. Pour la deuxième partie, nous avons distribué des petits pamphlets pour poser des questions. Alors, vous pouvez écrire vos questions sur ces papiers, les remettre sur la table ici. Je vous demanderai de bien écrire vos questions de façon à ce que je puisse les lire correctement. Ensuite, j'aimerais vous rappeler que...